Chez Dolbo Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Wahlberg, Dolbo Mistassini au 418-276-0580. Travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. Vous avez besoin d'une bonne batterie pour la saison froide qui s'en vient? Eh bien, l'équipe de Batterie Expert saura bien vous conseiller. Nous avons des batteries pour tous les véhicules et pour tous les budgets. L'équipe de Batterie Expert désire également souhaiter de joyeuses fêtes à toute sa clientèle et les remercie de la confiance témoignée durant l'année. Batterie Expert, 757 Boulevard Vézina à Dolbo-Mistassini, 418-979-7812. Ici Éric Tremblay de Haltech. Le temps des fêtes est une belle occasion de se rassembler avec ceux qu'on aime. Toute l'équipe est heureuse de contribuer à votre confort grâce à ces thermopompes Mitsubishi. Haltech vous souhaite de très belles fêtes et une bonne année. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Toute l'équipe de services financiers Jacqueline Doucet vous souhaite beaucoup de bonheur, de paix et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour rejoindre l'équipe des services financiers Jacqueline Doucet, 418-276-6170. Un nouveau concept est offert au motoneigiste de la MRC Maria Chapdelaine. Donc, sur les ondes de CKJ avec Michel Tifot et Dominique Bolduc cette semaine, le responsable de ce concept. Dominique Gobeil a expliqué un peu ce projet sur les ondes de CKJ. Donc, on écoute cette entrevue. Il est 16h22. J'avoue que j'ai triché un petit peu, Dominique, mais c'est pour la bonne cause. Ben oui. C'est pour la bonne cause. Ben apparemment que sur la vente des biens, on est en avance sur la normale. Sur la normale? Oui. OK. Alors, ça nous prend 1722 et plus. On va jaser avec le directeur général du parc régional de la Grande Rivière pour le lac Saint-Jean. On jase motoneige, là, Dominique. Ben oui. Dominique Gobeil est notre invité. Dominique, bonjour. Bonjour. C'est quoi ça, le parc régional Grande Rivière pour le lac Saint-Jean? Oui, le parc régional des Grandes Rivières du lac Saint-Jean, c'est un nouveau joueur en tourisme d'aventure et écotourisme au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est situé sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine, donc dans le secteur de Dolbeau-Mistassini. Et c'est 10 secteurs qui sont répartis sur le territoire de la MRC. On parle d'une offre de service en sentier pédestre de 50 km. On a 50 km de sentier de raquettes, ski de. Également, on a une boucle associée à la Route des Bleuettes, 45 km, mais aussi des rivières exceptionnelles qui permettent la rivière de la pratique du kayak d'eau vive, le rafting, le canot camping, le kayak de mer sur des rivières comme la rivière Péribonka, la rivière Mistassini, Mistassibi, la rivière Aurora, la rivière Achouabouchouan. Donc, c'est des rivières dont on connaît le nom, mais qui sont aussi praticables là, pour les amants de la nature, là, pour descendre ces rivières-là. Qui sont sportives, mais aussi souvent accessibles à tous là, pour les familles ou les couples. Alors, vois-tu, Dominique Bolduc, on parle de motoneige, mais aussi de sport de plein air, de kayak. Oui. On oublie souvent ces disciplines-là. On en jasait avec François Guillot. Absolument. C'est extrêmement populaire, le kayak puis le canot dans nos rivières puis dans notre région. Dominique Gobeil, maintenant, vous avez une phase 2 où vos sentiers de motoneige vont s'échelonner à partir de Sainte-Monique jusque sur les monts Valin. Oui, en fait, c'est depuis plutôt à partir de la rivière Achouabouchouan normandin jusqu'à la rivière Péribonka sur le territoire de la MRC de Maria-Chapdelaine. C'est le circuit quad de motoneige de la passerelle du 49e. C'est un projet de 7 millions de dollars qu'on inaugure en fait depuis quelques jours là, cette année. Alors, essentiellement, c'est que le nord du Saguenay, ben, ce sont des montagnes, c'est des monts Valin, c'est un produit d'appel, c'est connu, c'est apprécié. Et le nord du lac Saint-Jean, ben, ce sont des grandes rivières. Donc, des paysages qui sont complémentaires, mais qui sont aussi très différents. Et le défi pour nous, pour aménager ce territoire-là en forêt, ça a été de construire 7 passerelles en un peu moins de 2 ans pour donner accès, ouvrir ce nouveau territoire-là aux motoneigistes d'ici, mais aussi, évidemment, on vise beaucoup la clientèle touristique. On parle quand même d'un circuit de découverte de la forêt boréale de 236 kilomètres, toujours à peu près à la hauteur du 49e parallèle. Et puis, évidemment, les partenariats sont super importants pour l'entretien, la sécurité avec les clubs motoneige locaux. Et on a même reçu la norme éco-sentier pour le respect des normes environnementales pour la phase d'aménagement. À travers ces rivières et ces montagnes, vous avez un paysage tout à fait extraordinaire. Mais Dominique, parle-nous des services et des forfaits qui sont offerts à nos amis motoneigistes. Absolument. Donc, évidemment, c'est un circuit qu'on veut en forêt, qu'on veut en arrière-pays, mais on n'est quand même pas très loin non plus des milliers, des petites localités qu'on connaît moins. T'sais, notre région, on la connaît, mais en même temps, on la connaît pas tant que ça. Des municipalités comme Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Stanislas, Saint-Thomas-du-Dîme. Donc, il y a quand même beaucoup de services qui sont offerts aux motoneigistes tout au long du circuit. Il y a de l'essence, de la restauration, de l'hébergement. Il y a quand même 10 relais. Et il y a des expériences aussi qui sont très originales, comme le parc Maïcan à Girardville. Ça, essentiellement, c'est un gars du sud de la France, de la Provence, qui est là depuis 22 ans. Il a 3 enclos de loups gris et il a construit des chalets autour de ça. Alors ça, c'est une expérience qu'on ne peut pas vivre partout. Et ensuite, dans la municipalité de Saint-Stanislas, il y a un beau projet de restauration d'une église, de sauvegarde d'une église, le restaurant relais au clocher. Et puis ça, c'est un endroit qui est très apprécié aussi des motoneigistes. Enfin, le long de la rivière Achouapouchouane, au site touristique de la Chute à l'Our à Normandin, il y a des chalets sur pilotis qui sont construits le long de la rivière avec une vue imprenable. Donc, c'est vraiment là, les gens qui seraient moins à l'aise ou moins habitués de faire de la motoneige peuvent aussi, depuis cette année, faire des sorties guidées avec une entreprise d'Alma qui s'appelle Equinox Aventure. Et en plus, Dominique Gobeil, votre site, votre parc régional est reconnu au niveau québécois? Eh bien, les parcs régionaux, c'est un produit, c'est un concept qui est moins connu que les parcs nationaux. C'est-à-dire que ce sont des parcs qui sont associés aux MRC, aux municipalités. C'est créé en vertu de la loi sur les compétences municipales du gouvernement du Québec. Et ça n'a pas la même, l'obligation de conservation de la nature qu'on va retrouver dans les parcs nationaux, mais on ne la retrouve pas de la même façon dans les parcs régionaux. On va plutôt parler de développement durable, mais on cohabite avec l'entreprise forestière, avec les villégiateurs, avec la chasse, la pêche, les activités de prélèvement. Mais au final, ça fait beaucoup de monde en forêt, mais ces choses-là se font de façon harmonieuse, harmonisée, et puis c'est certain que c'est au niveau de la gestion, c'est un plus grand défi, mais je vous dirais qu'en termes du vivre ensemble au niveau sociétal, on est tous gagnants là-dedans. Dominique Gobeil, merci beaucoup, on va vous souhaiter une bonne saison de motoneige. Merci, je voudrais juste dire en terminant, d'abord merci de nous avoir accueillis, puis les gens qui veulent plus de détails peuvent aller au go.p49.com sur notre site web. Merci beaucoup.